Décourager mon balipé à Benditoto. Ya solo nazali na Congo. Na boy libala ya kobondela. Mingi na zwa kitoko ya loposo. Hélène mama, bonina bondela. Oh Hélène, na bondela. O mona ou. Mingi na zwa kitoko ya loposo, Hélène mama, bonina bondela. Hélène kende na lemi ko bondela, komona la biso e komise a balabala. Lobiso ki osilisi baltame a mibali. Oko ume la tena ko bonde la gaidiye. Kende mama na lemi Elena, na baby satango na gaise ya pamba. Thank you. première vitesse. Ça c'est bon. La première vitesse. Tout mon temps. Tout mon temps. La deuxième vitesse. Ça c'est bon. Oui. Elena, mama.